Envie d'Italie. En français? Voglia d'Italia. Pour voir l'Italie autrement, d'ici. Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle usciate tanto per fare, contenti di vederti cervellare. Les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, salivano su con noi nella vettura, felici correvamo in via Chadet, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere, cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Bonsoir à tous et à toutes. Comme tous les premiers lundis du mois, vous écoutez Envie d'Italie sur le 106.3 FM. Je voulais tout d'abord saluer mes collègues Daniela, Irene et Francesco qui présenteront avec moi cette nouvelle émission d'Envie d'Italie. Mais pour commencer cette soirée, je laisse tout de suite la parole à Irene qui va introduire le thème de ce soir. Oui, bonsoir. Alors, pendant cette période de crise, au lieu de parler des banques, des spreads, des Standard & Poor's, nous avons décidé d'aller un petit peu contre-courant et de parler de la culture italienne et plus précisément de son état de santé qui est malheureusement très grave. Eh oui. Et en effet, on pourrait dire « povera cultura » parce qu'elle est pauvre, malade et avec de moins en moins de financements de la part du gouvernement italien, dont le ministre de l'économie Giulio Tremonti a fait très clairement comprendre que ce n'est pas une priorité quand il a déclaré récemment qu'avec la culture, on ne mange pas. Eh oui. Et alors nous, on a voulu répondre au ministre Tremonti à notre manière et nous sommes allés rencontrer des Italiens qui résistent et essayent de faire changer les choses. Oui, en effet, nous avons donc eu le plaisir de discuter avec les occupants du Théâtre Valle de Rome, qui depuis juin 2011 luttent contre la fermeture de ces lieux historiques. Et puis, on aura Igor, un dessinateur, scénariste des bandes dessinées et fondateur de la maison d'édition des bandes dessinées Coconino Press. Gustavo Giacosa, comédien, danseur de la compagnie de Pippo Del Bono et commissaire d'exposition de Contemporary Art de Gênes. Et enfin, Fabrizio Matteini, comédien et metteur en scène de la ville de Gênes. Oui, voilà, comme vous avez vu, le programme est très dense et très riche. Mais avant de commencer, en fait, notre voyage, on voulait vous donner quelques précisions sur la situation italienne. Ça risque d'être un peu ennuyeux parce que c'est des chiffres, mais on pense que c'est important quand même de mettre un petit peu le cadre. Alors, en 2008, le Trésor a coupé plus de 213 millions d'euros au ministère de la Culture. En 2009 et 2011, le FUS, c'est-à-dire le Fonds unique pour le spectacle, a perdu 216 millions d'euros, c'est-à-dire presque la moitié de son budget. Et dans les trois prochaines années, des réductions supplémentaires sont prévues pour 1,7 milliard d'euros. Donc, en résumant, entre 2008 et 2013, la baisse des subventions pour la culture en Italie s'élèvera à 2,8 milliards d'euros. Alors, malheureusement, ces restrictions budgétaires touchent aussi notre patrimoine artistique, les biens environnementaux, mais aussi l'instruction. Et à ces propos, il faut vraiment rappeler que l'Italie dépense seulement le 4,5% de son produit intérieur brut pour l'école, comparativement à une moyenne OCDE de 5,7%. Et en effet, parmi les pays industrialisés, seulement la République slovaque fait pire que nous. Et voilà. Et pendant ce temps, le nombre d'étudiants inscrits à l'université est en baisse depuis plusieurs années. Oui, et cela, c'est bien sûr aussi lié aux frais d'inscription, parce que c'est vrai que, par exemple, en Italie, moi, je prends le cas de Bologne, où un étudiant doit payer environ 1 000 à 1 200 euros pour une année universitaire, tandis qu'en France, à Paris, à la Sorbonne, on paye pour un an de Master 2 de 150 euros. Oui, et en plus, ça dépend aussi des facultés, c'est-à-dire que les facultés scientifiques sont plus chères en Italie. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a de moins en moins d'étudiants. Voilà, alors on parlait de toutes ces baisses des financements. Ben, les effets de ces politiques sont sous les yeux de tout le monde. En Italie, les théâtres, les salles de cinéma, d'opéra, les musées, mais aussi les bibliothèques et les festivals ferment leurs portes. Et on peut dire en fait que nos villes en Italie deviennent de plus en plus silencieuses, malheureusement. Alors, avant de lancer notre premier reportage, je voulais quand même souligner une dernière chose. Je voulais en fait vous rappeler que la France et l'Allemagne ont quand même dépensé, ou peut-être il faudrait dire investi, dans la culture en 2010, quand même plus de 8 milliards d'euros. L'Angleterre, 3 milliards. Et l'Italie, seulement 1,8 milliard. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est un petit peu ça la réalité. Donc, pour commencer notre voyage ce soir, nous aimerons vous parler d'un théâtre qui est devenu un symbole de la résistance culturelle italienne. C'est le Théâtre Valle de Rome. Depuis le 14 juillet, des artistes et techniciens du spectacle sont en train de l'occuper jour et nuit pour empêcher sa privatisation voulue par l'administration de la ville de Rome et par le gouvernement Berlusconi. Ils demandent que le théâtre soit reconnu comme un bien commun, et oui, bien commun comme l'eau, l'air, parce qu'un niveau élevé d'éducation et un bon niveau de culture dans un pays enrichit toute sa société. Nous allons tout de suite écouter Silvia et Laura, deux artistes qui participent à l'occupation du théâtre. Benvenuti al Valle Occupato! Abbiamo occupato il Teatro Valle per occuparci di ciò che è nostro. Siamo lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, cinema, teatro, danza. Le 13 juin 2011, un collectif autogéré des travailleurs et travailleuses du spectacle de Rome a dit non à la suppression de l'Ente Teatrale Italiano en occupant un des plus anciens théâtres de la capitale, le Teatro Valle, qui risque de fermer. Sylvia, jeune comédienne du collectif, nous parle de l'occupation. Je m'appelle Sylvia, je suis une comédienne, j'ai 33 ans et je participe depuis longtemps à un procès d'auto-organisation d'un mouvement qui est libre et qui maintenant s'appelle Travailleurs et Travailleuses du spectacle. Le 14 décembre, on a fait la manifestation très grande, qui a une vraie mobilisation nationale, qui est partie des étudiants surtout, mais qui effectivement représente un peu les désastres dans le monde pas seulement de la culture, mais de l'éducation, de la cognition en général, les travailleurs de l'immatériel. Mm-hmm. Et puis, on a pensé que la situation était tellement dévastée qu'on devait suivre un peu l'exemple des intermittents français, en fait, qui ont été très organisés, qui ont fait des actions très fortes. Et donc, on a pensé d'occuper les théâtres, parce que c'était un théâtre qui allait fermer. Il est un des théâtres le plus important d'Italie pour son histoire, pour son identité. Il était un théâtre de l'éthique. Et depuis un an... l'Ente Teatrale Italiano, il n'existe plus. Donc, on n'a pas une organisation qui s'occupe au niveau national du théâtre. Et déjà, ça, c'était déjà grave, naturellement. Mais le 19 du mai, le théâtre a fermé ses portes. Et le destin de ce théâtre était de devenir privé. On a cru que c'était fondamental de dire que ce théâtre devait rester public, pour sa vocation surtout. Depuis désormais 4 mois, chaque après-midi, lors de l'assemblée collective publique, les occupants du Théâtre Valle réfléchissent ensemble aux actions futures à organiser et au sens de leur but. Ils préparent également le programme Action Gratuite qui, chaque soir, ils proposent à un public de plus en plus nombreux. Laura nous raconte son expérience. La chose la plus grande, la sensation la plus grande, ça a été de rentrer dans ce théâtre en ayant la sensation que c'était à nous. C'était un théâtre public et qu'on était en train de se réapproprier, je ne sais pas si on peut dire ça, réapproprier, si, de quelque chose qui était déjà à nous. C'est-à-dire qu'on peut, on pouvait vraiment décider ensemble qu'est-ce que ça peut être un théâtre public qui en effet se fait par nous, les artistes, les comédiens, les metteurs en scène. Et donc déjà pouvoir marcher dans ce théâtre magnifique, vraiment... Vous pouvez aussi voir sur les photos, sur Internet, c'est un théâtre qui a, où Pirandello a été, où a été Leonora Duse, Totò, Anna Magnani. C'est vraiment le rêve pour un comédien, mais qui était destiné à devenir un bistrot peut-être. Donc, la sensation, en effet, on disait qu'on peut décider nous aussi, et c'est le moment aussi, le théâtre a été occupé le jour après le référendum sur l'eau, donc sur la vague vraiment la conscience que faire de la politique, c'est aussi de le faire en première personne. C'est-à-dire pas seulement avec des représentants, mais vraiment en se levant de la chaise, marcher avec les autres, et dormir dans les lieux publics et penser, rêver aussi à propos du destin des lieux publics et penser qu'est-ce qu'on veut en faire. Et donc, on dort ensemble, on dort dans le théâtre, dans les petits ibals qui, je ne sais pas comment dire. Les loges. Les loges, tous les matins, on nettoie ce théâtre parce qu'on a décidé déjà avant de l'occuper que ça devait rester un lieu sacre, c'est-à-dire pas de cigarettes, pas des bêtises, on ne peut pas utiliser les téléphones dedans, on peut pas, il faut vraiment respecter les lieux parce que c'est le lieu qu'on aime, qui est vraiment, c'est un temple. Donc, le matin, on se réveille, on nettoie tout le théâtre et entre nous, on se partage les travaux, c'est-à-dire soit accueillir les publics et le contrôler si les gens, en effet, pensent que, vu qu'il y a une occupation, peuvent se... Faire n'importe quoi. Si, faire n'importe quoi, et ça arrive, des gens qui pensent que, voilà, il y a des... tout est permis, mais non, c'est au contraire. Et aussi, on prépare les assemblées de l'après-midi. Et après, le soir, on a fait des programmations. En effet, on a décidé que ça va être pas des programmations, mais en italien, programme azione. Un programme action. Comme les dadaïstes, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas décider tout comme ça, mais faire que les artistes contribuent à leur façon, c'est-à-dire spontanément, c'est que kicker un peu ce qu'on est en train de comprendre en séjour, vraiment l'engagement direct, personnel aussi de l'artiste. Donc, tout le monde est passé ici, de Moretti jusqu'à Franca Valeri, Aloy Germano, qui est toujours ici, qui dort ici tout le temps. Et voilà, c'est vraiment très fort comme sensation. Et ça oblige aussi à faire beaucoup de réflexions aussi sur la responsabilité qu'on a, parce que dans un lieu comme ça, on peut aussi demander des choses et on se rend compte aussi que beaucoup de choses qui pertiennent à la politique de la culture, aujourd'hui, on ne les sait pas. Donc, il faut étudier, il faut se préparer, se faire beaucoup de questions, aussi se demander pourquoi on est arrivé jusque-là, parce qu'évidemment, on l'a permis. Se demander aussi comment un artiste peut contribuer politiquement, c'est-à-dire quand même avec son langage à lui, qui est sûrement différent du langage d'un politicien, par exemple, l'imagination, la fantaisie, mais aussi un autre niveau encore de communication. Nous, on sait le faire. Voilà. Donc, par exemple, un séjour, il y a ici, dans ce théâtre, un public que c'est vraiment rare avoir à théâtre aujourd'hui, parce que, évidemment, on parle dans une façon plus directe aux gens. Il y a Camilleri, qui est un grand écrivain italien vivant, qui a dit on est dangereux. On est dangereux parce que le théâtre, la culture, ça promeut le rencontre. Donc, évidemment, la politique ne veut plus que les gens se rencontrent, parce que là, il peut naître des réflexions. On peut voir qu'on est fort, on peut voir qu'il n'y a pas seulement la télévision, l'argent, les vélines, le football, mais il y a aussi la rencontre. Et déjà, c'est un niveau politique, désormais, la rencontre entre les êtres humains. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et vous écoutez, comme tous les premiers lundis du mois, On vit d'Italie, magazine radio d'actualité politique et culturelle, bien évidemment, autour de l'actualité italienne. Voilà, on fait tout de suite notre première pause musicale de la soirée et c'est Irène qui va nous introduire le morceau. Eh oui, en effet, alors on va écouter une chanson de Giorgio Gaber, Io non mi sento italiano, tirée de l'album au même titre, qui est le dernier album de Giorgio Gaber et qui est sorti quelques semaines après sa mort, donc en janvier 2003. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ce chanteur, poète, râleur et anticonformiste dont le travail a rarement et à mon avis, malheureusement, passé la frontière des Alpes. L'ironie est à la base de ses chansons. Il est une sorte de Jacques Brel italien. Et en fait, il écrivait « Selon moi, les Italiens sont plus intelligents que les Suisses. Mais si on regarde les niveaux moyens de chaque Suisse, il me vient à l'idée que nous aurions intérêt à être un peu plus stupides. Voilà. » Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia. Ma questa nostra patria non so che cosa sia, può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi, non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia, cos'è il rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese forse è poco saggio, fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono. Alors, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, et vous écoutez l'émission Envie d'Italie avec un gros point d'interrogation à la fin. Parfois, on oublie, mais c'est important de le rappeler. Alors, nous continuons à parler de la crise de la culture italienne et de ses formes de résistance, en vous proposant en fait d'écouter la deuxième partie du reportage sur le Théâtre Valle, en écoutant Ilenia, qui est un jeune militante du mouvement des travailleurs et travailleuses du spectacle qui mène l'occupation du théâtre. Elle nous parlera de la naissance de la Fondation Teatro Valle Bene Comune, dont les statuts seront présentés le 20 octobre prochain. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite précision. Vous allez entendre plusieurs fois pendant l'interview le nom de Ugo Mattei. Et on voulait préciser qu'il s'agit d'un professeur de droit de l'Université de Turin qui a rédigé les questions du dernier référendum italien et qui est en train de participer à la rédaction des statuts du Théâtre Valle. Et les occupants du théâtre aussi sont à l'initiative des États généraux de la culture, dont la première réunion vient de se conclure à Rome. Et afin de suivre les évolutions de la situation, nous allons rester en contact avec eux dans les mois à venir. Mais d'ici là, vous pouvez déjà vous renseigner en consultant leur site internet, qui est très bien fait, je tenais à le dire. Alors, l'adresse est www.teatrovalleoccupato.it. consulter. Il y a en partie aussi en français et en anglais, mais sinon la plupart des informations sont en italien, bien évidemment. Et là, en fait, on va écouter Ilenia. Quand on a occupé, on pensait rester trois jours. Le temps de soulever la question du Val, des questions politiques, de faire un trois jours très vif du point de vue culturel et de sortir après. Certo. Eh bien, après trois mois, on est encore là parce qu'un procès très complexe a commencé et il montre l'envie des changements qu'il y a à présent en Italie et cela, on peut le voir par le référendum et l'occupation des espaces. Dans l'occupation du Valle, on retrouve plein d'exigences différentes. Il y a des gens de 20 ans qui font ici leur première expérience politique après 20 ans de berlusconisme. Et les plans sur lesquels nous sommes en train de travailler concernent le système culturel italien et ses politiques, avec une forte opposition aux coupes dans les budgets sociaux et aux politiques actuellement en vigueur. Nous tous, les artistes, les opérateurs du spectacle, les travailleurs du spectacle, sommes en train d'imaginer un autre monde de la culture italienne, en partant de ce qui existe déjà. L'autre plan est celui des droits des travailleurs et du social. Et pour cela, on est en train de mener une lutte contre l'indemnité chômage qui nous a été interdite cette année par une loi qui est réglée par un décret royal de 1935. Et c'est presque embarrassant à dire. Et cela refuse les indemnités aux artistes, c'est-à-dire qu'il ne les reconnaît pas en tant que professionnels et travailleurs. Dans cette lutte de revendication, on mène une autre lutte sur les droits sociaux qui ne doit pas être basée sur l'amortissement social, mais sur l'idée de revenus garantis pour les temps de formation, de non-travail, de recherche. Quelque chose qu'en France, je pense, est bien connu et auquel a été liée la lutte des intermittents et qui continue à être une référence pour nous. Troisième moteur est la revendication du Théâtre Valle. Avec Ugo Mattei, nous sommes en train d'écrire les statuts pour la Fondation Théâtre Valle Bien Commun, qui redessine une nouvelle façon d'entendre cet espace et que pourrait fonctionner en tant que modèle reproductible. À la base des statuts, il y a l'idée d'une tutelle de la participation directe des citoyens et une autogestion des travailleurs du spectacle. Di autogestione dei lavoratori dello spettacolo. Tutto parte un po' parce qu'on s'est lassé que le politique culturelle et les objets de la culture soient gérés et administrés pour ceux qui ne font pas de la culture, par ceux qui souvent méprisent la culture, qui ne connaissent pas comment le monde du spettacle a changé, qui n'ont aucun point de vue sur la contemporanéité, la recherche et l'expérimentation. Nous voulons faire l'expérience de la politique culturelle et d'administration des lieux et des productions et reproduction de la culture soit les travailleurs de la culture, les artistes, les opérateurs, les techniciens, mais aussi le public. Sur ça, nous sommes en train de travailler. En continuant notre occupation, en utilisant une pratique radicale et illégale, ponendo la questione della legalità in questo momento in Italia, perché riteniamo che ci siano altri ben più illegali di noi che continuano a governare illegittimamente questo paese, e crediamo che ci sia una parte viva, sana, on croit qu'il y a une partie vivante, saine, productive, créative, vitale, qui veut se réapproprier d'espace politique, mais aussi de vie, car nous sommes en train d'expérimenter des formes d'art et de vie, basées sur la coopération, le partage. Nous sommes des centaines à vivre dans ce lieu et à traverser ce lieu de façon différente. Dans l'occupation, nous expérimentons ce qu'on aimerait présenter en forme avancée dans les statuts. Une formation, mais aussi une programmation confiée à une direction qui n'est pas unique, mais plutôt plurielle, modulaire, transparente et faite d'alternance d'artistes. Nous sommes en train d'expérimenter des formes nouvelles d'économie, des bilans transparents, éthiques, des codes éthiques liés à la tutela dei travailleurs. Nous travaillons d'un point de vue théorique en imaginant avec des experts, des juristes, des économistes, d'autres façons pour faire tout cela. Et ensemble, nous sommes en train de le faire dans l'occupation. C'est cela notre contre-proposition aux institutions qui nous propose simplement une saison de passage du Théâtre Valle, qui n'a pas d'intérêt pour nous et pour les citoyens non plus. Ce n'est que l'énième solution provisoire, épisodique, quand ce moment est dépassé par la force vive, créative de cette expérience. Dalla realtà. Forza viva, anche molto creativa di questa esperienza. Allora, questa fondazione. Allora, questa fondazione, questo statuto che vous êtes en train de préparer e che è presque terminé, lo sera-t-il presenté? Nous sommes en train de faire des écritures successives et des vérifications au cours des assemblées. Cela naît donc d'un parcours à participer à travers les assemblées, pendant lesquelles à tous les coups on le recrit, on le soumet à Ugo Mattei, qui lui, il fait des suggestions, et puis on revient dans les assemblées et on en discute à nouveau. Nous pensons le présenter en octobre, et de là, partir tout de suite pour essayer de mettre en œuvre, de l'expérimenter. Nous espérons qu'à partir de là, une révolte culturelle naîtra, une contagion, que les espaces publics soient repris pour les revitaliser avec notre travail, nos œuvres, notre création, en rendant possible l'alternative à ce système politique. Dans ce pays, il y a besoin des formes de révolte, qui ne sont pas celles d'il y a 30 ans, peut-être même pas celles menées en Espagne ou dans le nord de l'Afrique, mais une prise de parole, la reprise des espaces de la politique, de l'agir, du partage, même de façon très forte, partagée et un peu permanente. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et vous écoutez comme tous les premiers lundis du mois Envie d'Italie, magazine radio d'actualité politique et culturelle. Je laisse la parole maintenant à Daniela pour qu'elle nous raconte un peu de l'initiative des cinéastes et des hommes de lettres qui s'est tenue pendant le dernier festival de Venise pour soutenir les droits des migrants. Merci Irène. En effet, j'interviens pour signaler deux moments importants de la vie culturelle italienne de l'été qui vient de se terminer, où le monde de la culture s'est montré très attentif aux questions sociales et politiques du pays. À la Mostra del Cinema di Venezia, le festival de cinéma de Venise, un important collectif de réalisateurs, acteurs et techniciens du cinéma a lancé l'appel « Le cinéma avec les migrants », qui est un cri de colère contre la mauvaise gestion italienne et internationale des débarquements des migrants en provenance de Tunisie et de Libye notamment. Le collectif demande, entre autres, l'abolition du délit de clandestinité, ainsi que la révocation du prolongement de la rétention dans les centres d'identification et expulsion, et qu'il soit réadmise la présence des journalistes dans ces mêmes centres, présence qui a été interdite récemment par un arrêté ministériel. La programmation du festival était déjà bien marquée par des films forts de thématiques liées à l'immigration et à la citoyenneté, mais l'appel des cinéastes et la visibilité nationale et internationale de la Mostra de Venise a permis de porter à l'attention de tout le monde sur ce thème et sur ce qui est possible de faire. À cette initiative fait écho la prise de parole qui a eu lieu au Festival de littérature de Mantova, Mantoue, de la part de l'écrivain Andrea Camilleri, dont on a déjà entendu parler tout à l'heure à propos du Théâtre Valle. Et donc c'est un écrivain qui décidément s'engage du côté de la culture. Et donc Andrea Camilleri, avec d'autres auteurs, a fait un appel pour soutenir la campagne de sensibilisation appelée « L'Italia son anch'io », « L'Italie, c'est moi aussi ». Il s'agit d'un comité national qui œuvre depuis des longues années pour le droit à la citoyenneté des migrants résidant en Italie, pour leur accès au vote, aux élections municipales et administratives, pour la facilitation de l'obtention de la nationalité pour les enfants d'immigrés nés sur le territoire italien. Aujourd'hui, ce comité est porteur d'une proposition de loi d'initiative populaire qui, si elle, à propos justement de la nationalité pour les étrangers, proposition de loi qui, si elle obtiendra un nombre de signatures suffisantes, sera votée lors d'un prochain référendum. Et j'imagine déjà qu'on pourra faire une émission de radio là-dessus. Oui, sur ce thème, absolument. Voilà. Donc ces deux exemples me semblaient intéressants parce qu'ils sont le signe que la culture aujourd'hui en Italie est un des bastions de la société civile et que quand il est nécessaire, dans des moments de crise morale et politique comme celle que nous sommes en train de vivre, la culture peut et doit avoir un rôle à jouer dans la réflexion et l'action politique. Voilà. Ouais, c'était super, je pense que... Oui. C'est intéressant. Ouais, on va sûrement en reparler une autre fois. J'espère aussi à propos du référendum qui vont poser une thématique pour 2012. Voilà, j'espère. Entre-temps, on peut aller voter, hein, d'ailleurs, pour cette proposition de loi. Oui. Je ne sais pas exactement comment faire depuis l'étranger, mais pour la prochaine émission, on le saura, on vous le dira. Okay, c'est super. Bon, alors maintenant, on va faire une autre petite pause musicale et on va écouter Gian Maria Testa, car en fait, le 17 octobre, il y a son nouvel album qui va sortir et qui s'appelle Vita Mia. Là, on va écouter, par contre, une chanson dont le titre est Polvere di Gesso, qui est tirée de son album Il Valzer di un Giorno, sorti en 2001. La sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa faccio un segno su un muro di questa città. Perché non è il tempo che mi manca. Aperta la mia porta se qualcuno verrà. E poi metto polvere di gesso sul pavimento di casa per i passi che farà. Perché quando c'è una porta aperta di sicuro prima o dopo si sa. Io ogni sera quando torno lascio delle tracce bianche sulla polvere che sa. Thank you. êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et vous écoutez, comme tous les premiers lundis du mois, Envie d'Italie, qui est un magazine radio d'actualité politique et culturelle. Je suis ce soir avec Irene, Daniele et Francesco. On vous parle de la culture italienne, mais plus précisément en fait, de la crise culturelle italienne, ce que nous, on a voulu appeler la povera cultura, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour la soutenir en ce moment en Italie. Voilà, on continue donc alors notre petit voyage oui, en Italie. Oui, en effet, donc ce n'est qu'une partie en fait, de, la culture, de la crise de la culture italienne, mais quand même, donc on continue pour l'instant notre focus sur l'état de la culture italienne en écoutant l'interview d'Igor Tuveri, qui est plutôt mieux connu par son pseudonyme Igor et qui vit entre Paris et l'Italie. En fait, nous aurions aimé l'avoir avec nous ce soir, mais à cause de ses nombreux déplacements et souvent à l'étranger, même aux États-Unis, ça n'a pas été possible. Mais c'est vrai que nous avons eu quand même le plaisir de l'interviewer par téléphone et en les questionnant sur ses dernières œuvres et sur sa maison d'édition italienne Coconino Press. Et c'est d'ailleurs un point de vue intéressant car il vit dans une dimension qui est plutôt internationale. Et avant de l'écouter, voici une courte présentation de sa biographie. Donc, il naît en Sardaigne en 1958 et il commence son expérience de dessinateur à Bologne pendant les années 70. Et il commence avec des collaborations avec beaucoup de revues italiennes et internationales. Parmi d'autres, je cite Linus, Frigidaire, Métal Hurlant, L'Écho des Savanes. Et puis, à partir des années 90, il publie régulièrement en Japon. Et disons qu'on peut dire qu'à la base de son travail, il y a la bande dessinée. Mais par contre, il ne faut pas oublier son intérêt pour tout ce qui concerne le milieu artistique, y compris la musique. Et avec son groupe Igor et Los Chicheros. D'ailleurs, on va écouter un petit morceau de musique tout à l'heure du groupe de Igor, oui, que tu as bien voulu choisir. Oui, on a hâte de l'entendre. C'est sur la littérature, donc on va bientôt l'entendre. Et tu voulais aussi, par contre, signaler son site oui, internet. Oui, en plus, c'est un site très bien fait, très intéressant. Et il s'agit de son site internet, c'est www.igort.com. Et d'ailleurs, il nous a aussi informé du fait qu'il y aura une exposition sur laquelle il est en train de travailler. Donc sur les graphic novels made in Italy et ça se déroulera en partenariat avec l'Institut italien des cultures de Paris dont on vous tiendra sûrement au courant dans les prochains mois. Oui, parce qu'on va sûrement la visiter, voir de quoi il s'agit un petit peu mieux. Et là, en fait, on va écouter Igor. Je partirai tout de suite en parlant de ton dernier travail, donc ce qui en italien c'est Quaderni Ucraini et en français ça a été traduit comme Les Cahiers Ukrainiens et qui est paru aux éditions Futuropolis l'année dernière. Comment est née l'histoire et la décision en fait de faire ce type de travail? Moi, j'étais parti pour aller réaliser un livre en Ukraine et en Russie sur Tchekhov. Mon idée, c'est un grand amour littéraire que j'ai pour Anton Tchekhov. Et donc, j'avais cette idée, en un petit accord avec Maison d'édition, pour réaliser un livre qui racontait Tchekhov parmi ses maisons. Donc, en considérant qu'il y a la maison plus importante de la vie de Tchekhov, c'était le rêve de toute sa vie, la Biela Dacia, la Maison Blanche, qu'il a fait réaliser, acheter, fait renouveler complètement à Yalta, je suis allé en Ukraine. Et pour des questions directement logistiques, je suis arrivé à Kiev, et donc il s'agissait de traverser toute l'Ukraine, du nord au sud, jusqu'à la Crimée, pour arriver à Yalta et voir finalement cette maison. Mais une fois que je suis arrivé à Kiev, j'ai réalisé finalement que J'avais une perception très bizarre, un peu forte, très très douloureuse, pénible, d'une grande douleur de, que à peu près toute la population ressentait. Donc une espèce de malaise existentiel généralisé. J'ai essayé de comprendre et au bout d'une quinzaine de jours, en traversant l'Ukraine, je me suis rendu compte que peut-être que j'allais raconter une autre histoire, que je vais aller réaliser un autre livre. C'est-à-dire que je commençais à rencontrer des gens que j'arrêtais dans la rue, comme ça, que je ne connaissais pas auparavant, auxquels je demandais de me raconter la vie, leur vie, pour comprendre comment ils avaient vécu pendant la période de l'Union soviétique, et notamment, qu'est-ce que c'était leur expérience, si là, maintenant, en considérant que l'Union soviétique, ça n'existe plus depuis beaucoup de temps, alors comprendre comment tout ça, toute leur vie, leur existence, s'était transformée. Et à partir de ça, moi, je commençais à voir des histoires qui étaient des histoires réelles. Et comme ça, ça a commencé. Ça, c'était le début du livre. Je suis resté là pendant deux ans, à peu près. Il s'agit vraiment, il s'appelle les cahiers ukrainiens parce qu'il s'agit vraiment des cahiers. Je me suis baladé avec un cahier, mais surtout avec une vidéocaméra, avec un appareil photo, pour essayer d'avoir le plus de détails. En roman graphique, c'est un travail qui a un petit avantage par rapport aux autres médias, c'est-à-dire que c'est possible reconstruire une époque avec les dessins. Et donc c'est très important, c'est indispensable d'avoir le plus de détails possible. Et après, c'était la chose qui me fascinait, c'est-à-dire j'avais la possibilité, avec les dessins, de raconter une époque qui était plus là. Ce qui est intéressant, c'était le fait justement que tu racontes leurs histoires personnelles, mais qui sont forcément liées au moment historique dans lequel ils ont vécu et dans lequel ils vivaient. Ça, c'était une chose à laquelle moi je tenais. C'est-à-dire, je crois que l'histoire telle qu'elle on la connaît dans les livres, c'est une histoire un peu mythique et faite par les grands héros, les grands personnages de l'histoire. Moi, je crois beaucoup que l'histoire, c'est plutôt quelque chose qui nous touche tous, et c'est l'histoire des pauvres gens aussi, les victimes, si vous voulez, de l'histoire. Et ça, c'est une chose à laquelle moi, je réfléchissais beaucoup pendant le travail. Je pensais, mais regarde comme ça, cette décision, après, l'a donné des millions de morts. Regarde comme ça, cette carestie artificielle a détruit un pays, a détruit une identité culturelle, non pas seulement une identité humaine. Et donc tout ça, c'était un parcours initiatique, un peu douloureux, qui m'a introduit dans l'histoire d'un pays comme l'Ukraine, que j'aime beaucoup. Et moi, j'ai eu le privilège de pouvoir donner une voix à quelqu'un qui n'avait pas de voix, parce que tout ça, c'était un récit interdit. Pendant toute la période communiste, et même maintenant, comme le dit Anna Politkovskaya, c'est interdit de parler. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une certaine peur, une certaine pudeur qui est vraiment une peur d'affronter, de faire face à certains éléments de la vie privée, la vie sociale d'un pays. Mais en fait, ce qui est intéressant, justement, on parlait donc du fait que c'est l'histoire personnelle qui se mélange un peu avec l'histoire, avec le H majuscule du pays. Et ce qui est intéressant, que je trouvais très intéressant, c'est aussi un article qui est sorti d'ailleurs il y a quelques mois sur l'Espresso, et dans lequel il y avait la double interview entre toi et Joe Sacco, dont le travail, en effet, il y a des ressemblances dans votre travail. Justement, c'est l'effet de raconter une histoire, mais en utilisant les images. Moi, j'admire le travail de Joe Sacco. C'est un travail, son approche est un peu différente, c'est-à-dire que lui est un journaliste qui dessine. Moi, je ne suis pas journaliste, pour moi, c'était important le côté humain. C'est-à-dire que nous, on a un privilège, on fait des livres, ce sont des livres dessinés, donc effectivement, c'est plus facile d'arriver à un lecteur et un lectorat général qui n'est pas forcément spécialisé. On a la possibilité de faire un travail dans lequel on informe, on comprend des situations et on raconte les côtés humains. Moi, je pense que l'histoire, avec la H minuscule, c'est l'histoire de tout le monde, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'humanité. C'est ça qui m'intéresse. Autant que romancier avec les images, c'est ça qui m'intéresse, pas l'histoire avec les grands personnages mythiques. Moi, je suis plutôt intéressé à raconter les répercussions sur la vie de tous les jours. La chose importante pour moi, d'un point de vue de l'expérience, pour parler des cahiers ukrainiens, c'était effectivement la possibilité d'amener, comme c'était pour les impressionnistes, en plein air le travail, c'est-à-dire sortir du studio, sortir de l'atelier. Là, ça donne la possibilité même de prendre un claque sur le visage, mais de toute façon, c'est quelque chose d'important, de fort. Et avec ça, après, si on est capable de traduire cette expérience en livre, on risque d'avoir plus de profondeur. Ça, c'est à mon avis où on est maintenant, c'est-à-dire la bande dessinée qui risque de sortir. Après, il y a quelqu'un qui théorise aussi, qu'il ne faut pas perdre les côtés adolescentiels de la bande dessinée, les côtés nostalgiques, sinon on perdra le public. Moi, je ne pense pas, honnêtement, mais c'est une théorie qui, en France, est très diffusée vis-à-vis des grands personnages avec lesquels on a grandi. Mais moi, je pense simplement que la bande dessinée ou le roman graphique, comme on veut l'appeler, c'est un langage tout court. Et donc, il faut l'utiliser sans préjugés et en allant le plus loin possible. Quel est ton travail par rapport à Cocconino Press, en fait, à la création de ta maison d'édition en Italie? Comment est né ce projet et quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer et aussi comment vous menez votre travail aujourd'hui, en fait? Alors, Cocconino Press, c'est une maison d'édition indépendante qui est spécialisée dans la forme du roman graphique et qui est née il y a 11 ans, dans les 2000 exactement. Et l'idée, c'était justement de recréer une scène culturelle à partir de la sensibilité italienne, d'un point de vue, et pas seulement italienne, mais d'un point de vue culturel, c'est vrai que les auteurs italiens ont une descendance directe de la peinture. Tout ça, l'art dans lequel nous, on a grandi, l'Italie a 65% du patrimoine artistique mondial. Pour nous, c'est quelque chose de naturel. Lorsque je vois mes copains américains, dès qu'ils arrivent en Italie, au bout de 2-3 semaines, ils ont le syndrome de Stendhal. Tout est trop ancien pour eux, tout est trop... même les poignées des portes ou je ne sais pas quoi, ça rappelle quelque chose du temps passé. Tout ça, c'était il y a 11 ans maintenant, et ça n'existait pas, c'est-à-dire que l'Italie risquait d'être un peu bouleversée par la grande vague des super-héros américains ou des mangas japonais qui arrivaient, et tout ça avait renouvelé, donné de grandes énergies et même créé une vraie révolution économique, c'est-à-dire que c'était un chiffre d'affaires important pour le milieu de l'édition en Italie. Mais moi, je pensais qu'il y avait un manque. Cet manque, c'était, comment dire, la dimension de la bande dessinée d'auteur qui est typique, caractéristique de la culture italienne, même en bande dessinée. Des gens comme Munoz ou bien, je ne sais pas, Breccia ou Hugo Pratt risquaient de disparaître complètement de notre culture. Munoz, même si le nom est sud-américain, lui, il habitait depuis 30 ans en Italie et il avait démarré ses histoires sur Linus et Alter Linus. Donc, c'était quand même une espèce de vraiment monument de la culture bande dessinée italienne en général. Donc je pensais que tous ces publics qui lisaient mes histoires et les histoires de mes copains, de Matotti, de Munoz, etc., c'était un public qui était resté sans livre. Donc premièrement, je n'avais pas trop envie de recommencer à être éditeur, c'est-à-dire que c'était un travail que j'avais fait dans les années 80 et c'était très fatigant. Donc, j'ai parlé avec un grand éditeur de littérature, qui c'était Feltrinelli, auquel j'avais dit, il m'avait demandé s'il y avait des livres importants à publier. J'ai dit oui, moi je voyage beaucoup. Il y a effectivement des chefs-d'œuvre qui ne sont pas encore publiés. Et donc, c'était les livres que moi je me lire dans les autres pays. Je ne sais pas, Taniguchi au Japon, ou Seth au Canada, Klaus aux États-Unis, etc., etc. Après avoir eu une rassurance en disant « oui, on va les publier », et j'ai pu malheureusement constater qu'au bout de 3 ans, rien n'était encore publié. Et donc, j'ai rencontré un homme fantastique, très curieux, très cultivé, qui c'était Carlo Barbieri, qui maintenant, malheureusement, il est décédé. Et Carlo, il a compris tout de suite. Et donc, comme ça, on a commencé petit à petit à publier, on s'est structuré tout de suite. Et là, maintenant, on a réalisé presque 300 livres. On fait pas mal de livres chaque année. Et on a, je pense, un petit aidé à développer une scène qui était en train de disparaître. C'est-à-dire que les auteurs ont besoin, comme les lecteurs d'ailleurs, d'une point de référence, c'est-à-dire savoir qu'il existe une maison d'édition qui est prête à publier des histoires à condition qu'il existe une histoire forte. Et tout ça a créé petit à petit une petite scène. Et là, maintenant, il y a des auteurs qui sont publiés dans 15 pays. Donc, on est ravis de tout ça et on continuera. Et pour terminer, en fait, cette interview hyper intéressante, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les prochains projets qui vous avez, qui vous êtes en train de préparer, en fait, à niveau de bande dessinée? Les prochains livres qui sortira en janvier en France et qui sort en octobre en Italie, c'est les Cahiers Russes. Okay. C'est la deuxième partie du voyage. C'est les portraits de la Russie contemporaine, en parlant d'Anna Politkovskaya. Le livre est dédié à elle et réalisé en allant là-bas chez elle, même dans l'ascenseur dans lequel elle était tuée, assassinée. Mmh. Et après, avec des interviews aux gens qui l'ont connue très bien, et je raconte la Tchétchénie dans ce livre, qui c'est le cauchemar russe. Et donc, tous les réflexes, on comprend, je pense, petit à petit, les raisons d'une promenade à l'enfer qu'il a décidé pour des questions, morales et qui l'ont amené même à être assassiné. Cette chose, c'est un voyage très pénible. C'était le livre le plus difficile de ma vie, je pense, parce que j'ai dû dessiner des choses horribles. Mais je pense qu'on a une espèce de devoir moral, autant que narrateur, pour pas oublier la mémoire. Il faut l'exercer. C'est une chose très importante. Il faut pas oublier que tout ça se passe là, maintenant, aujourd'hui. Et donc, il faut pas tourner la tête de l'autre part. C'est ça. Mon effort, c'est ça. Moi, je pense que c'est important que les romans, soit des romans graphiques, soit les romans tout court, s'adressent aussi à une conscience sociale. Pour moi, c'est important si on arrive à se rappeler qu'il y a des soucis, des problèmes et qu'il y a des injustices. Des injustices au niveau social. Et tout ça, ça nous concerne. On peut pas tourner la tête. Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'était l'heure pour moi de ne pas arriver à dire 106.3 FM. Et vous écoutez, comme tous les premiers lundis du mois, On vit d'Italie. Et voilà, on continue notre émission avec un petit peu de musique. Voilà. Là, donc, on vient d'entendre une interview du dessinateur Igor, que par ailleurs, nous tenons vraiment à remercier. Et c'est pour cela aussi qu'on lui fait un tout petit hommage en vous proposant d'écouter tout de suite un morceau qui est tiré de l'album de son groupe Igor e los Cicheros. Et l'album est Casino et qui est sorti en 2008. Par ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'un disque et d'un livre en même temps, donc un roman graphique avec sa musique. dans lequel Igor raconte une histoire des émigrés, de nostalgie, d'espoir, de désolation, entre du blues, du trip-hop, du jazz et des atmosphères rock. Par ailleurs, dans les CD, il y a aussi une chanson qui s'appelle « Ellis Island », donc qui est bien sûr dédiée à tous les migrants qui sont passés par là, notamment pas mal d'Italiens, comme on sait c'est très vrai. Bien. Donc le morceau que nous allons écouter maintenant, c'est Carver, et c'est une chanson donc bien évidemment dédiée au grand romancier américain Raymond Carver. Et on l'écoute. Walk. Stop. Walk. Stop. Breath. Love. Black eye. What eye? Afraid to follow the light. I'm afraid to stand behind. Oh yes, I remember you. Hello, can you hear me call? Alors, bien retrouvé sur Fréquence Paris Pluriel, à Envie d'Italie. Vous venez d'écouter donc un morceau de Igor et Los Chicheros. Qu'on a beaucoup aimé. Oui, et dont le titre est Carver. Ok, ben là, on continue en fait notre émission spéciale Crise de la culture, crise culturelle. Et on voulait en fait terminer l'émission en vous faisant écouter les témoignages des deux artistes italiens qui travaillent dans notre pays, et plus précisément dans la ville de Gênes, et auxquels nous avons demandé leur opinion sur la difficile situation de crise en Italie. Alors, nous écoutons en premier lieu Fabrizio Matteini, qui est un comédien et metteur en scène de la ville de Gênes. Et son récit sera accompagné par une très belle chanson de Paolo Conte qui s'appelle « Genova per noi ». Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotte e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica. Ma che paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte e non sta fermo. Je suis un comédien et un metteur en scène de la ville de Gênes, Genova. Je travaille dans ma ville, mais aussi dans le reste de l'Italie et à l'étranger depuis des 15 ans. À Gênes, il y a beaucoup de théâtre. Il y a une tradition culturelle très forte depuis toujours. Les gens aiment participer à la vie culturelle et théâtrale de la ville. Mais par contre, je remarque que les plus jeunes, c'est-à-dire les lycéens, les étudiants universitaires, ne sont pas intéressés pour tout cela. Et personnellement, je crois que je manque de participation des plus jeunes est dû à un improvisement général de la société italienne. En fait, la tendance culturelle actuelle est fortement influencée par toutes sortes de médias et à cause de ça, très individualiste. Le désir de participer est toujours là, mais il n'est pas cultivé. Et la racine de culture, est la même de cultivare. Selon moi, l'objectif d'une culture démocratique devrait être celui de cultiver, valoriser les différences et encourager les dialogues parmi les gens. C'est pour cette raison-là que le théâtre, comme l'art de la rencontre, est le moyen pour renverser cette tendance négative. À niveau général, en Italie, ce qui compte est malheureusement remplir les salles de théâtre. Il y a une tradition qui considère le théâtre plutôt comme un art de divertissement et pas comme un art poétique et des réflexions sociales. Du coup, il n'y a pas de soutien économique pour les formes de théâtre expérimentales et pour la dramaturgie. À cause de toutes les difficultés d'ordre pratique que j'ai dû rencontrer à cause de cette situation, j'ai pu développer, malgré moi, beaucoup de talents différents et j'ai pu m'enrichir à tous les niveaux. Mais je crois que la chose la plus importante pour changer cette situation sociale, il faut travailler avec les jeunes, en utiliser le théâtre du part comme un moyen pour ouvrir les esprits, pour apprendre la réflexion, le son critique, et d'autre part comme un art démocratique et humaniste. Et pour le faire, nous avons besoin pas seulement de notre énergie, mais aussi tout bêtement de l'argent. Et alors, bien retrouvé sur Fréquence Paris Pluriel, et encore merci à ce témoignage de Fabrizio Matteini. Là, c'était aussi un petit clin d'œil à nos amis des jeunes qui nous écoutent. Et avant que notre émission donc consacrée à la culture italienne et à sa crise touche sa fin, une dernière pause musicale bien méritée, moi je dirais. Hein. Et en fait, là, on va écouter un groupe américain, donc Hills, que par ailleurs j'aime beaucoup. Donc l'album dont Gone Man est tiré s'appelle End Times. C'est un album du 2010, donc de la bande américaine de Mark Oliver Everett, et qui d'ailleurs est cité parmi les albums préférés d'Igor dans son site internet. Donc c'est un autre petit clin d'œil de la soirée à notre ami Igor. Good thing that's gone and gone. grew up, my problem was that I could not see what was important right in front of me. I never thought that I should quit all this stupid crazy shit that I do in the name of keeping good things away. How much longer, man, for this earth? Day, but gone and gone. The epitaph scratches on my soul. Here lies a man who just wants to be alone. Alors, nous voilà encore sur Fréquence Paris Pluriel, Envie d'Italie. Le morceau que vous venez d'entendre, c'est une chanson de Hills Gone Man. Donc, je passe la parole à Véronica. Merci, je la prends tout de suite. Et en fait, last but not least, on vous propose d'écouter un dernier témoignage sur la situation de crise culturelle qui vit l'Italie en ce moment. Alors, accompagné par une douce musique du pianiste jazz Fausto Ferraiolo, le morceau que vous allez entendre est tiré de son dernier album Artana Mantra. On va entendre Gustavo Giacosa, qui est comédien, danseur de la compagnie de Pippo Del Bono, mais aussi commissaire d'exposition des contemporains de Gênes, qui est un nouveau lieu dédié à l'art qui se trouve dans la ville des Gênes. D'ailleurs, on va encore entendre Gustavo Giacosa dans les prochaines émissions parce qu'on va sûrement réaliser une émission autour de Franco Basaglia. Oui. Et de l'art qui et de l'art brut, voilà. Et donc, on va en reparler de tout ça dans les prochaines émissions. Et là, on va tout de suite écouter Gustavo Giacosa et son témoignage. Je pense que heureusement, on est en crise. Oui. Merci à la crise. Merci, merci et merci. Car grâce à la crise, il se passe quelque chose de vital. En Italie, qui c'est un pays endormi, comme des jambons crus pendus dans les toits. Et donc, finalement, la gente se réveille et occupe un théâtre. Je souhaite vraiment que cette occupation, c'est quelque chose que ça ne va pas terminer dans l'occupation soi-même, que c'est quelque chose. Mais c'est une façon nouvelle de gérer, de créer une organisation. Car en fait, ce qu'on a besoin, c'est de créer de nouvelles façons de gérer les espaces. Donc la mairie de Gênes, oui, c'est vrai, nous donne un espace, mais complètement abandonné et sans aucun soutien. Donc c'est à nous, un organisme de volontiers, c'est une association culturelle de volontiers, des artistes volontiers, et que nous avons tout pour inventer en certaine façon, non? Et donc, récemment, la crise nous pose à chercher. Et c'est ça, non? Autant qu'Argentin, à l'origine, je me souviens que j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence avec mes parents qui disaient ah, « cette année c'est le pire, c'était le pire de tous ». Et donc, je me suis dit « arrête ». Mais en fait, si on ressent qu'on a quelque chose à faire et à dire, il faut le faire. Et donc, il n'y a pas de crise qui t'empêche de le faire. Crise, c'est un mot qu'en japonais, ça signifie, paradoxalement, occasion. Et donc, c'est à nous de voir que c'est l'occasion que nous présente ce moment historique. Et donc, d'y aller ailleurs, d'aller de l'autre côté. Une fois, un maître bouddhiste m'a dit, il faut pousser jusqu'à briser les murs qu'on a devant. Et c'est la même chose que de ces Tadeusz Kantor. On a toujours des murs devant. Ces murs sont créés pour être poussés et détruits. Et donc, heureusement, cette crise nous fait revenir l'envie des utopies. Donc, qu'on avait tout perdu, non? Quand on pense à l'utopie, on pense à les années 70, tous ces gens-là, mes grands-parents étaient si jeunes, avec les cheveux longs, on désirait un nouvel monde. Mais le nouveau monde, il existe aujourd'hui. On le commence à créer chaque moment, chaque instant, avec des actions concrètes. Et donc, récemment, ce moment qui nous oblige à créer de nouvelles façons de nous relationner. Alors, vous êtes toujours à l'écoute d'Envie d'Italie sur Fréquence Paris Pluriel. Et on va bientôt terminer donc, cette émission dédiée à la crise de la culture en Italie et tous les artistes qui, en quelque façon, résistent et qui font face à cette crise. Donc, avant de vous saluer en musique, on tient à remercier tous nos invités, donc Ilenia, Laura, Silvia et tous les occupants du Théâtre Valle. On leur souhaite bonne chance. Oui. Et puis à Igor, et Fabrizio et Gustavo. Oui. Mais aussi à la technique, Francesco et Daniela. Et là, on va vous rappeler aussi notre blog. Donc, c'est http://envieditaliefppradio.wordpress.com. On le répète, http://envieditaliefppradio.wordpress.com. Et de même, notre adresse mail, envieditalie.fppradio@gmail.com. Vous pouvez nous écrire pour nous donner des suggestions, poser des questions. Voilà, on est là pour vous répondre. Voilà, et on sera ravis de le faire. Je voulais quand même préciser que cette émission sera rediffusée jeudi prochain à 8h, comme tous les mois. Et après, elle sera disponible sur notre blog, comme toutes les autres émissions d'ailleurs, que vous pouvez écouter et réécouter sans modération. Absolument, sans modération. Voilà. Et on tenait aussi, en fait, à vous anticiper le thème de notre prochaine émission du 7 novembre. On vous prépare, en fait, une émission spéciale de 3 heures sur la lutte anti-mafia et sur la corruption. Parce que c'est vrai aussi que ce n'est pas un sujet malheureusement, ce n'est pas qu'un sujet italien, non, celui malheureusement. De la mafia. Voilà, et c'est pour ça qu'on réalisera cette émission avec nos amis de Survie Paris. Et on aura le plaisir de recevoir dans nos studios le magistrat Vaudono, qu'on a déjà eu l'année dernière, et aussi Fabrice Rizzoli, qui est responsable du réseau FLAIR, qui est le correspondant européen de l'association italienne Libera, et sûrement d'autres invités. Donc, alors, je vous rappelle, émission spéciale d'Envie d'Italie autour de la question de la mafia, de l'antimafia et de la corruption, en partenariat avec nos amis de Survie Paris, le 7 novembre. Donc, on ne commencera pas à 19h, mais à 17h30, en fait. Oui. C'est ça. Ça sera une longue émission. Une longue émission, mais avec beaucoup de musique et tout ça. Et comme à notre habitude, on va terminer notre émission avec un petit morceau de musique qu'Irène va présenter. Donc, moi, je vous dis au revoir et on se voit en novembre. Oui, alors, on va... Bien sûr, terminer donc avec un dernier morceau. Dans ce cas-là, c'est Daniele Silvestri avec sa chanson Questo Paese, qui est tirée de son dernier album qui est sorti donc cette année en 2011 et qui est Scotch. Au revoir. La grandezza e bonne semaine. Di questo paese non è più nelle piazze, non è nelle chiese, non è Roma di marmi, fontane e potere. Né Milano tradita da chi se la beve, non è Genova o Taranto, signore del mare, non è Napoli, e questo è perfino più grave. Non è più divertente tirare a campare, soprattutto non è più originale. La fortuna di questo paese non è più degli artisti, non è delle imprese, non c'è nei discorsi di chi vado a votare. Se grandezza ce n'è, non si riesce a vedere, così hai voglia a cercarla tra i mille canali, sia su quelli analogici che sui digitali. E non serve aumentare la definizione per vedere più grande un coglione.